Alors Colette, ça va? Ton voyage s'est bien passé? Bah, pas vraiment. D'abord, j'ai eu un contretemps avant de partir, car ma fille a perdu les clés de la maison. J'ai dû m'occuper de tout cela, puis j'ai essayé de prendre l'avion. Essayer? Mais oui, tu te souviens de la tempête qui a commencé jeudi matin? C'était ce jour-là que je devais partir. Je suis allée à l'aéroport, mais évidemment, tous les vols ont été annulés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Eh bien, j'ai attendu le soir pour partir. La réunion a été reportée au lendemain.